De longs discours, truc, faut le caler celui-là. Un petit roulement à la fin sur le grand 2. Là, si je te sens avec moi. Je ne suis qu'un pion sur ton grand échiquier.